men sa pa pidi. Yon sel maman, yon sel pidi. La pe voye wosh la kache men. Tout voisin a sezi. Malè deja fè tout moun flonan. Se maman pat konen. Histoire te ramène sa pa pidi. Yon sel maman, yon sel pidi. La pe voye wosh la kache men. Tout voisin a sezi. Malè deja fè tout moun flonan. Se maman pat konen. Sa vin genye de sou twa mwa. Maman dwe make la balanse. Maman di tombe san kondesans. Tout moun flo nan se voye l'hôpital tout dekouraje. Le sa vin genye de sou twa mwa. Maman dwe make la balanse. Maman di tombe san kondesans. Tout moun flo nan se voye l'hôpital tout dekouraje. La de quel tout j'en ai rien. Le gravire de la l'équité. Ni tombe sous que yon petit petit qui petit maman. Pour te voir côté sa débitrice. Ni c'est la de quel tout j'en ai rien. Le gravire de la l'équité. Ni tombe sous que yon petit petit qui petit maman.